Na kozonga ko na motindo na biso ba mokili ba koyeba ya solo ete bozali na bwanya bozali bana nzambe ho kika bopelisa mwinda na bino nake na kozo je suis guérie de mes maladies. Sur la croix, a dit Jésus. Sur la croix, a dit Jésus. Sur la croix. Tout est accompli. Sur la croix. Tout est accompli. Sur la croix. A dit Jésus. Sur la croix. A dit Jésus. Sur la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Condamnation de l'ennemi Satan. Et pour nous, et pour nous, on a banni Timothée à Satan. Et mon bon analyse, de vivre au conseil du colonel. Tu

sa vie va à mort.